الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تيسير العلام شرح عمدة الأحكام livre initial de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi رحمه الله et une explication Cheikh Abdullah al-Bassam Rahimahullah Ta'ala. Durant le dernier cours, on avait expliqué les hadiths 85, 86, 87 et 88. Le 85e hadith, qui est le hadith de Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma, qui se propose pour nous le réciter. Fadal Jawad. محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قيامه فركعته فاعتداله من بعد ركوعه فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي لفظ للبخاري ما قال القيام والقعود قريبا من السواء رواه البخاري ومسلم. أحسنت بارك الله فيك. Le 86e حديث qui est le حديث de أنس بن مالك رضي الله عنه. Qui se propose? Macan. C'est pas prêt? Mohamed. Mohamed. Salim. Fadal. Salim est toujours là pour sauver les situations délicates. كما كان صلى الله عليه وسلم pourquoi vous dites pas صلى الله عليه وسلم non mais pas toi mais ceux qui entendent le prophète a dit البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي l'avare est celui qui lorsque mon nom est cité en sa présence il ne prie pas sur moi non. وإذا رفع من السجدة مكث جالسا هذا لفظ سليم هذا مكث حتى نعم بارك الله فيك حديث أنس le 87e حديث qui est le hadith le plus court de la série. Hassan, Ibrahim, Fadal. وراء إمام قط أخف ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم أحسن رواه البخاري ومسلم واللفظ له et le dernier hadith le 88e qui se propose عبد ربو سعيد نعم محمد pourtant vous avez eu largement temps d'apprendre là جواد تفضل اخ عن ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي المصري قال جاءنا ملك مالك ابن الحويرث مالك ابن الحويرث جاءنا مالك ابن الحويرث نعم فقال أين جاء؟ في مسجدنا هذا نعم فقال لا أصلي بكم ولا ما وما فقال لا أصلي بكم إني لا أصلي بكم. لا أصلي Il y a une différence entre dire « la usalli » et « la usalli ». « La usalli » c'est dire « je vais prier ». Et « la usalli » je ne vais pas prier. « Inni la usalli ».« La usalli ».« La usalli ». Aywa. « Inni la usalli ». »« Bikum wa la wa ma uridu salam ». « Usalli kayfa ».« Usalli kayfa ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli ». فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض نعم أحسنت بارك الله فيك طيب يقول المؤلف الحديث 89 عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه رواه البخاري ومسلم Le 89e حديث Selon عبد الله بن مالك بن بحينة كالله لغري Il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il priait Il laissait un espace entre ses mains au point d'apercevoir la blancheur de ses aisselles. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. المعنى الإجمالي كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رغبة ونشاط وكان يعطي كل عضو حقه من العبادة ولهذا كان إذا سجد فرج بين يديه ومن شدة التفريج بينهما يظهر بياض إبطيه كل ذلك عنوان النشاط في الصلاة والرغبة في العبادة وتباعدا عن هيئة الكسلان الذي يضم بعض أعضائه إلى بعض فيزيل عن بعضها عناء العبادة Le sens général du hadith La prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la prière de celui qui était motivé et vif. Il donnait à chaque membre de son corps son droit dans l'adoration. Ainsi, lorsqu'il se prosternait, il éloignait ses mains. Et il les éloignait à tel point que la blancheur de ses aisselles pouvait être vu. Tout ceci prouve la vivacité et l'énergie dans la prière et l'amour de l'adoration. Tout ceci également pour s'éloigner de la posture du fainéant qui prie en étant recroquevillé et en فيزيل عن بعضها عناء العبادة فيزيل عن بعضها عناء العبادة ainsi celui qui donne à chaque membre son droit dans l'adoration eh bien il enlève à chacun la charge de l'adoration ou la fatigue et l'effort de l'adoration. C'est clair ou pas ? ما يؤخذ من الحديث أولا فيه دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود وهي مباعدة عضديه عن جنبيه وقد خصص ذلك في السجود وقد تخصص ذلك في السجود بما أخرجه مسلم في حديث البراء يرفعه وهو إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وهو في حديث الباب مطلق ولكنه في هذا الحديث مقيد فيحمل المطلق على المقيد ويختص التفريج بحال السجود. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, c'est qu'il est préférable d'avoir cette posture dans la prosternation ou pendant la prosternation. Quelle est cette posture ? C'est le fait d'éloigner ses bras de ses flancs. Lorsque tu te prosternes, tu ne dois pas coller tes bras à tes flancs, mais tu dois écarter tes bras. Et que ceci est propre à la prosternation. Qu'est-ce qui nous prouve que cela est propre à la prosternation? C'est le hadith de l'Bara ibn Azib, rapporté par Muslim dans son Sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Et lorsque tu te prosternes, pose tes mains et lève tes coudes. » Quant au hadith de Abdullah ibn Malik ibn Buhayna, que l'on est en train d'expliquer, est-ce que la prosternation y est citée? Oui ou non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, il écartait ses bras au point de voir la blancheur de ses aisselles. Lorsqu'il priait, dans le hadith, il n'y a pas fait allusion à la prosternation. Donc ce hadith, il est général, mais il est spécifié par le hadith de l'Bara ibn Azib, rapporté par Muslim, dans lequel, celui qu'on vient de dire, lorsque tu te prosternes, pose tes mains et lève tes coudes. ثانياً في ذلك حكم كثيرة وفوائد جسيمة منها إظهار النشاط والرغبة في الصلاة ومنها أنه إذا اعتمد على كل عضو في على كل أعضاء السجود أخذ كل عضو حقه من العبادة. فائدة خص بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة هذا الحكم بالرجل دون المرأة لأنه يطلب منها التجمع والتصون ولما روى أبو داود في مراسله عن يزيد بن حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. Deuxièmement, il y a également dans cette posture de nombreuses sagesses et de nombre et des bienfaits considérables. Parmi cela, le fait de montrer une certaine vivacité et une certaine énergie et une volonté dans la prière. Et également, le fait de se prosterner ainsi permet à chaque membre d'avoir sa part d'adoration. Puis le cheikh fait une remarque en disant que certains juristes parmi eux, Al-Hanabilah, ont dit que ce jugement était propre aux hommes et ne concernait pas les femmes. Car il est demandé aux femmes de se protéger et d'être pudiques. Et également, par ce qui est rapporté par Abu Daoud dans ses Marasil, selon Yazid ibn Habib, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité de deux femmes qui priaient et a dit, lorsque vous vous prosternez, assemblez la chair l'une avec l'autre. Autrement dit, essayez d'être le plus discrète possible en vous recueillant. Car la femme n'est pas laissez fidèle et que rajoute n'est pas dans ce point comme l'homme. L'homme lui a demandé d'écarter ses mains et la femme non. Et ce hadith, on l'a déjà vu dans les chapitres précédents, et c'est un hadith que Cheikh Al-Albani rahimahullah a considéré faible. الحديث التسعون الكتخمانديزيام حديث عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم رواه البخاري ومسلم الكتخمانديزيام حديث سنو أبي مسلمة سعيد بن يزيد إلجي J'ai questionné Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, priait-il avec ses sandales? Il a répondu oui, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Ma'na al-Ijmali, Sa'ala Sa'id ibn Yazid, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم, أكان يصلي في نعليه ليكون له قدوة فيه؟ فأجابه أنس نعم كان يصلي في نعليه وأن ذلك من سنته المطهرة. Le sens général du hadith. Saïd ibn Yazid a questionné Anas ibn Malik radiyallahu anhu à propos du prophète ou au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Priait-il avec ses sandales afin qu'il le prenne comme exemple? Et Anas radiyallahu anhu lui a répondu oui. Il priait dans ses sandales et cela fait partie de sa sunna purifiée. Ma yu'khadhu min al-hadith. Awwalan istihbabu as-salati fi an-na'layn haythu kana min fi'li an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, qu'il est préférable de prier avec des sandales car cela était l'acte où cela faisait partie des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thaniyan, jawazu dukhul al-masjid bihima ba'da tanzifihima min al-aqdhar wal-anjas. Deuxièmement, qu'il est autorisé d'entrer à la mosquée avec ses sandales après les avoir nettoyées de toute saleté et toute impureté. ثالثا إن غلبة الظن في نجاستهما لا تخرجهما عن أصل الطهارة فيهما. Troisièmement, que le fait d'avoir une suspicion sur l'impureté de ces sandales ne les sort pas de la base qui est qu'elles sont pures. Donc la base en toute chose, et qu'elle est pure jusqu'à la preuve du contraire. Faïda, as-salatu fi an-ni'al wa dukhul al-masjid fihima asbahat mas'alatun mushkalah. Fa sunnatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sarihatun bi jawazi dhalika bal bi istihbabihi wa annahu min as-sunnati allati yanbaghi al-muhafadhatu 'alayha. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن شداد بن أوس خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود أيضا عن أبي سعيد الخدري إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في مشروعية الصلاة فيهما بل تنظيفهما من الأنجاس والأقذار أما العامة وبعض المتعصبين من طلبة العلم فيجادلونك في ذلك ويرون أن إحياء هذه السنة من الكبائر التي لا يسكت عليها وإذا أوردت عليهم هذه النصوص قالوا هذا في وقت دون وقت وزمن دون زمن كأن الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أتى بعدها من نسخها وبدلها وما دروا أنها شريعة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والمناسب أن من أراد اتباع السنة في ذلك وفي غيره مما تركه أو فعله لا يمس جوهر الإسلام أن ينظر، فإن كان فعله أو تركه يسبب فتنة وشرا أكبر من مصلحته فليراعى المصالح، فإن الشرع يكون حيث توجد المصلحة الخالصة أو الراجحة على المفسدة. Puis, Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah, fait une remarque en disant: la prière dans les sandales et l'entrée dans la mosquée avec ses sandales est un sujet problématique. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est claire dans son autorisation, même plus dans sa recommandation. Ainsi, parmi la sunna, ou fait partie de la sunna, qu'il faut préserver. Naam. Le fait d'entrer avec les sandales dans la mosquée est un sujet problématique. La sunna du professeur Hassan est claire dans son autorisation, bien plus dans sa recommandation, et que cela fait partie de la sunna qu'il faut préserver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud, selon Shaddad ibn Aws: divergez-vous du peuple juif, car ils ne prient pas dans leurs sandales ni dans leurs chaussettes. Hadith authentifié par Sheikh l'Albani. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Abu Daoud également, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu: lorsque l'un d'entre vous arrive à la mosquée, qu'il regarde. Qu'il regarde quoi? Ses sandales. S'il voit dans ses sandales une impureté ou une saleté, alors qu'il les essuie, puis qu'il prie dans ses sandales. Hadith apporté par Abu Daoud et authentifié également par Sheikh al-Albani, rahimahullah, et d'autres textes authentiques dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prouvent qu'il est légiféré de prier avec ses sandales après les avoir nettoyées de toute impureté et de toute saleté. Quant à la masse des musulmans et à certains parmi les étudiants de sciences, ils vont polémiquer avec toi sur ce sujet. Et ils pensent que de faire revivre cette sunna fait partie des grands péchés auxquels ou sur lesquels il ne faut pas se taire. Et lorsque tu lui apportes les différents textes, ils te disent: ceci était à une époque, ou ceci était fait à un certain moment sans d'autres moments, ou ceci avait lieu dans une époque et notre époque est autre que cette époque. Comme si la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venue après elle quelque chose qui l'a abrogé ou qui l'a modifié. Sans savoir, ou ne savent-ils pas que la législation d'Allah reste et restera jusqu'à Allah, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou jusqu'à ce que l'heure arrive et que la terre et ce qu'elle contient disparaissent. Et il est important de citer que celui qui veut suivre une sunna dans ce sujet ou dans un autre, que ce soit des sunnas que le professeur sallam, ou quand on parle de sunna, que ce soit quelque chose qu'il faut délaisser ou quelque chose qu'il faut faire, il faut regarder dans cet acte-là, va-t-il causer des problèmes, va-t-il causer des troubles, va-t-il causer des tensions, et de voir ce mal, ces tensions qui sont causées, sont-elles, ou le bénéfice, ou lorsque l'on compare le mal qui va être la conséquence de l'application de cette sunnah, est-il plus grand que le bien d'appliquer cette sunna ou non? Ainsi, le musulman doit toujours voir al-maslaha. Comment traduire al-maslaha? Les arabes. Naam? C'est pas le bien que ça va apporter. Naam? De voir al-maslaha, de voir le bien. En ala kulli hal, ce que le cheikh veut dire, c'est que lorsque tu veux appliquer une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, quelque chose que tu délaisses ou quelque chose que tu fais. Car il y a des sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu fais en délaissant de faire quelque chose. Et que le fait d'appliquer cette sunna va apporter un mal, va apporter des problèmes, va apporter des tensions. Tu regardes la tension qui va découler de l'application de cette sunna. Est-ce que ça va être grave? Est-ce que ça va être passager? Est-ce que ça va concerner quelques personnes? Ou est-ce que le problème va s'élargir et va s'envenimer? Le musulman suit toujours là où il y a le bien. Là où il y a le bien. Si le fait d'appliquer une sunna va engendrer une panoplie de problèmes, alors délaisse cette sunna. Et si le fait d'appliquer une sunna va apporter un bien, et que s'il y a un refus, ce sera un refus de quelques personnes, et ce sera un refus qui va s'éteindre et qui va s'étouffer au fur et à mesure du temps, dans ce cas-là, il faut appliquer la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, à kulli hal, comme l'a dit al-Sheikh al-Bassam, فَإِنَّ الشَّرْعَ يَكُونُ حَيْثُ تُوجَدُ الْمَصْلَحَةُ الْخَالِصَةُ. La religion est avec et présente là où il y a le bien. Là où il y a le bien. Donc ainsi, il faut avoir cette sagesse, car malheureusement, certaines personnes n'ont pas cette sagesse, surtout les débutants, lorsqu'ils apprennent les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils veulent à tout prix les mettre en pratique, que soient mécontents ceux qui sont mécontents, que soient d'accord ceux qui soient d'accord, ou que ne soient pas d'accord ceux qui ne sont pas d'accord, peu importe, le hadith il est authentique, le Cheikh Albani a dit que cela est préférable, les savants ont dit que cela est préférable, moi je le fais, je ne regarde pas l'avis de cet ignorant parmi ce musulman qui fait partie du commun des musulmans, qui ne connaît pas le Coran, qui connaît quelques hadiths, qui parle à peine la langue arabe, etc., etc. Comment est-ce que je vais délaisser la sunna du prophète sallam à la parole de telle ou telle, ou telle personne? Non, il faut regarder le bien des musulmans. Il faut regarder al-maslaha dans tous les cas. Et la règle dans la jurisprudence est que dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ça, c'est une règle en islam. Que de repousser un mal prévaut sur le fait de faire un bien. De repousser un mal prévaut sur le fait de faire un bien. Bien sûr, là on parle des choses qui sont recommandées. Quant aux choses qui sont obligatoires ou les choses qui sont interdites, dans ce cas, c'est le hadith du professeur Hassan qui dit la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Point d'obéissance à une créature dans la désobéissance du créateur. Donc là on parle bien des sunan, des choses qui sont recommandées. Al-hadith al-hadi wa al-tis'oun. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها رواه البخاري ومسلم. Selon Abi Qatadat al-Ansari radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en prenant sa fille Umama la fille de Zaynab, fille de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et selon Abi al-As, Ibn al-Rabi', Ibn Abd al-Shams, lorsqu'il se prosternait, il la prenait, il la posait, et lorsqu'il se levait, il la prenait. Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Le sens général, Al-Ma'na al-Ijmali. كان النبي صلى الله عليه وسلم على جانب كبير من العطف واللطف والرحمة والرأفة فكان يتودد إلى الصغار والكبار والأغنياء والفقراء ولا أدل على أخلاقه الكريمة من حمله إحدى حفيداته وهو في الصلاة حيث يجعلها على عاتقه إذا قام فإذا ركع أو سجد وضعها في الأرض ففي هذا السماح الكريم ففي هذا السماح الكريم تشريع وتسهيل للأمة المحمدية. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une grande gentillesse, une grande douceur, une grande miséricorde. Et il était doux, sallallahu alayhi wa sallam, envers les petits comme les grands, les riches comme les pauvres. Et prouve son caractère ou son comportement louable, sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ait pris l'une de ses petites filles alors qu'il priait, en la posant sur ses épaules lorsqu'il était debout et lorsqu'il s'inclinait ou se prosternait, il la posait par terre. Il y a dans ce comportement sain du prophète sallallahu alayhi wa sallam une législation et une facilité pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اختلاف العلماء. La divergence des savants. أورد ابن دقيق العيد تأويلات كثيرة بعيدة لهذا الحديث في شرح هذا الكتاب منها دعوى النسخ ودعوى الخصوصية ودعوى الضرورة وغير ذلك مما هو أسقط تأويلا وأضعف قيلا. وقال القرطبي وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير. وقال النووي بعد أن ساق هذه التأويلات فكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها. تبين لنا حينئذ أن الصحيح الذي عليه المحققون أن مثل هذه الحركة جائزة في كل صلاة من الإمام والمأموم والمنفرد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، كما كان يصعد وينزل على درج المنبر ليريهم صلاته، وكما كان يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تخل في الصلاة، ويستفاد منها جواز هذه الحركة اليسيرة للحاجة. La divergence des savants. L'imam ibn Daqiq al-Aid, rahimahullah, a cité, et l'imam ibn Daqiq al-Aid fait partie des savants qui ont expliqué Umdat al-Ahkam. Al-Udda fi sharhi al-Umda. Dans son explication de ce hadith, l'imam Ibn Daqiq al-Aid, rahimahullah, a cité plusieurs interprétations qui sont, comme le dit Cheikh al-Bassam, lointaines et qui sont loin de ce hadith, en apportant diverses interprétations et diverses spéculations en disant que ce hadith a été abrogé ou que ce hadith est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que cela a été fait dans un cas de force majeure, et d'autres paroles, et comme le dit Al-Sheikh al-Bassam, « Mimma huwa asqatu ta'wila wa adha'afu qila » il y a des interprétations qui ne sont pas acceptables, et des paroles qui sont faibles. Et l'imam al-Qurtubi a dit, les savants ont divergé dans l'explication de ce hadith. Et ce qui a alimenté cela est que ce fait ou cet acte du professeur sallam était fait souvent. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah, après avoir cité les différentes interprétations des savants, a dit, toutes ces interprétations sont rejetées car il n'y a aucune preuve dans cela. Puis il dit, c'est-à-dire Cheikh al-Bassam, il est clair ainsi que ce qui est authentique est l'avis des al-muhaqqiqoun min ahli al-ilm. Al-muhaqqiqoun min ahli al-ilm, lorsque les savants parlent de al-muhaqqiqoun, ce sont ceux qui ont étudié la jurisprudence du hadith, ceux qui ont fait des recherches pour analyser ce hadith et en déduire les jugements. Il y a ceux qui se contentent de citer la parole des savants, tel savant a dit, etc. Et il y a ceux qui veulent avoir leur propre avis en faisant leur propre recherche. Et c'est ces savants qui sont appelés al-muhaqqiqoun. Donc l'avis authentique est que ces mouvements sont autorisés dans toutes les prières. De quel mouvement on parle ? Porter un enfant. Dans toutes les prières, que la personne soit imam, ou qu'elle prie derrière l'imam, ou bien qu'elle prie seule, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela pour montrer l'autorisation. Comme il est monté et descendu, comme il a monté et descendu les marches du minbar, afin de montrer à ses compagnons comment accomplir la prière. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert la porte à Aïcha alors qu'il était en prière, et d'autres actes qui ne diminuent pas et qui ne remettent pas en cause la validité de la prière. ويستفاد منها جواز هذه الحركة اليسيرة للحاجة. Et on déduit également l'autorisation de faire quelques mouvements, bref, lorsque il y a un besoin. Lorsqu'il y a un besoin. Donc ici, le cheikh a cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie avec sa petite fille, le hadith de Aïcha où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ouvert la porte pendant qu'il priait, et on peut en déduire de ces hadiths qu'il est autorisé de faire des mouvements brefs lorsqu'il y a un besoin. Lorsqu'il y a un besoin. ما يؤخذ من الحديث أولا جواز مثل هذه الحركة في الصلاة الفريضة والنافلة من الإمام والمأموم والمنفرد ولو بلا ضرورة إليها وهذا قول محقق العلماء. Ce que l'on retient du hadith. Premièrement, l'autorisation de faire ces mouvements pendant une prière obligatoire comme surérogatoire. Par un imam, ou par celui qui prie derrière l'imam, ou une personne qui prie seule, hamukallah, même s'il n'y a pas de cas de force majeure, et c'est la parole de al-muhaqqiqin parmi les savants. Deuxièmement, جواز ملامسة وحمل من تظن نجاسته تغليبا للأصل وهو الطهارة على غلبة الظن وهو نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم. Deuxièmement, qu'il est autorisé de toucher et de prendre ceux dont tu suspectes l'impureté. Lorsque la base, c'est-à-dire la purification, lorsque la base prévaut sur le doute. Et lorsque l'on parle de l'impureté, l'impureté des vêtements des enfants ainsi que de leur corps. C'est clair ou pas, ou il faut expliquer ? On en déduit de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a pris sa petite fille Umama qu'il est autorisé de toucher et de prendre une chose où il y a un doute sur sa pureté ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa petite fille Umama. Est-ce qu'un enfant peut avoir fait pipi sur soi? Oui ou non? Oui. Il aurait pu uriner sur soi et l'urine sécher. Oui ou non? Oui. Il y a donc ce doute qui existe. Mais la base, c'est la pureté. Et tant que tu n'as pas vu l'urine, l'impureté dans le vêtement de l'enfant, ça reste un doute. Et la base prévaut sur le doute. Oui ou non? Donc lorsque la base prévaut sur le doute, tu as le droit de toucher ce qui pourrait être impur. À condition que la base soit ce qui prévaut. Non. Oui. Non, là, les couches, c'est autre chose que les couches. C'est un obstacle. Même quand tu touches, tu ne touches pas l'impureté. Or, au temps du prophète Hassan, il n'y avait pas. Il n'y avait pas les couches, ou même s'il y avait, c'était un tissu. Donc, ce n'était pas quelque chose qui absorbait. Donc, tu pouvais être en contact directement avec l'impureté. Ce qui n'est pas le cas à Fouane, concernant les couches, même si les fuites ne sont pas impossibles. طيب. ثالثا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولطف خلقه ورحمته. Ce que l'on retient troisièmement, c'est la modestie du prophète صلى الله عليه وسلم, sa gentillesse, son comportement et sa miséricorde صلى الله عليه وسلم. فائدة قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشارع. Puis le cheikh Abdullah al-Bassam fait une remarque en disant que certains savants ont divisé les mouvements de la prière en quatre catégories. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés à diviser les mouvements dans la prière en quatre? حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشارع, en analysant et en suivant l'ensemble des textes religieux. Donc là, c'est un cadeau que les savants nous font. En regardant tout ce qu'il y a dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme acte dans la prière, ils ont déduit quatre catégories. Autrement dit, ils t'ont résumé et ils mettent à ta disposition le résultat de longues recherches et dures recherches. Al-qism al-awwal, yahrumu wa yabtulu as-salah. وهو الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة. La première catégorie, ce sont les actes dans la prière qui sont interdits et qui annulent la prière. Quels sont ces actes? Ce sont les actes, les mouvements nombreux qui se suivent sans cas de force majeure et sans que ces mouvements ne soit fait pour le bien de la prière. C'est clair. Al-qism al-thani yukrahu fi s-salati wa la yubtiluha wa huwa al-yasiru li ghayri haja mimma laysa li maslahati s-salah كالعبث اليسير بالثياب أو البدن ونحو ذلك لأنه مناف للخشوع المطلوب ولا حاجة تدعو إليه. La deuxième catégorie, ce sont les mouvements qui sont détestables dans la prière mais qui ne l'annulent pas. Quels sont ces mouvements? Ce sont des mouvements qui sont peu, qui sont faits sans besoin et qui ne sont pas faits pour le bien de la prière. Comme le fait de toucher par exemple, de jouer de façon très restreinte avec ses vêtements ou son corps ou autre. Car cela contredit la concentration qui est demandée pendant la prière et il n'y a aucune chose qui justifie ce mouvement. Donc la première catégorie, ce sont les mouvements qui sont nombreux, qui se suivent, qui sont faits sans qu'il n'y ait de justification et qui ne sont pas faits pour le bien de la prière. Deuxièmement, ces mêmes mouvements qui sont par contre peu, qui sont peu. Le cheikh a donné l'exemple. Al-qism al-thalith, al-harakatu al-mubahatu wa hiya al-yasiratu lil-hajah. ولعل هذا القسم هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من حمل هذه الطفلة وطلوعه على المنبر ونزوله منه حال الصلاة وفتحه الباب لعائشة ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز. La troisième catégorie, ce sont des mouvements autorisés et qui sont peu mais nécessaires ou qui sont faits pour répondre à un besoin. Et cette catégorie est sûrement celle qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a pris cette petite fille et lorsqu'il est monté et descendu du minbar pendant la prière et lorsqu'il a ouvert la porte à Aïcha et tout autre mouvement qu'il fait pour répondre à un besoin et pour montrer l'autorisation. Et pour montrer l'autorisation. Al-qism al-rabi' al-harakatu al-mashru'a wa hiya allati yata'allaqu biha maslahatu al-salah kat-taqaddumi lil-makan al-fadil والدنو لسد خلل الصفوف أو تكون الحركة لفعل محمود مأمور به كتقدم المصلين وتأخيرهم في صلاة الخوف أو الضرورة كإنقاذ من هلكة. Quatrièmement, il y a les mouvements légiférés, ceux qui sont faits dans l'intérêt de la prière, comme le fait de s'avancer vers un endroit ou de s'approcher afin de fermer les trous qu'il y a dans les rangs. Le mouvement peut être fait pour une chose louable, comme le fait que pendant la prière de la peur, les musulmans s'avancent et reculent. Et ça, on l'avait vu lors de la description de la prière de la peur. Ou lorsqu'il y a un cas de force majeure, comme le fait de se sauver d'une aukain qadin min halaka, ou comme le fait de se sauver d'une situation dangereuse. Les quatre catégories sont claires? Pas de questions? طيب. الحديث الثاني والتسعون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. رواه البخاري ومسلم. Le 92e hadith. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anh, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: soyez droit dans votre prosternation et que l'un d'entre vous n'allonge pas son avant-bras comme le fait le chien. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. المعنى الإجمالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود وذلك بأن يكون المصلي على هيئة حسنة في السجود حيث يجعل كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه ويجافيهما عن جنبيه لأن هذه الحال عنوان النشاط والرغبة ولأن هذا الحال عنوان النشاط والرغبة المطلوبين في الصلاة ولأن هذه الهيئة الحسنة تمكن أعضاء السجود كلها من الأخذ بحظها من العبادة ونهى عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسل والملل وفيه تشبيه أفضل حالات العبادة بحال أخس الحيوانات وأقذرها وهو تشبه بما لا يليق. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'être droit et juste dans la prosternation. Cela revient à ce que le prieur soit dans une posture louable pendant sa prosternation. En posant ses mains à terre, en levant ses avant-bras et en les éloignant de ses flancs. Et ceci, cette posture, sera l'emblème de la vivacité et de la volonté qui sont demandées dans la prière. Et cette posture également permet aux différents membres de la prosternation d'avoir leur part d'adoration. Et il a interdit d'allonger ses avant-bras pendant la prosternation, car ceci est une preuve de la fainéantise et de la lassitude. Et il y a également dans cela une comparaison où cela revient également à comparer la meilleure posture de l'adoration. Quelle est la meilleure posture dans laquelle le musulman adore son Seigneur? La sujoud. Et le fait de poser ses avant-bras à même le sol pendant la prosternation, le cheikh dit que c'est une preuve de fainéantise et de lassitude, et cela revient à comparer la meilleure posture dans l'adoration au pire des animaux et au plus impur. Au pire et impur des animaux. Et c'est une ressemblance qui n'a pas lieu d'être. Ma yu'khadhu min al-hadith. Awalan. مشروعية الاعتدال في السجود على الهيئة المشروعة. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, qu'il est légiféré d'être juste et droit dans sa prosternation selon la posture légiférée, qui est de poser ses mains sur le sol, de lever ses avant-bras et de les éloigner de ses flancs. ثانيا النهي عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسل وفيه تشبيه بجلوس الكلب فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يدعو إلى تركه في الصلاة. Deuxièmement, l'interdiction de poser ses avant-bras pendant la prosternation. Et ceci est une preuve de fainéantise. Et il y a également dans cela une ressemblance à l'assise du chien et de ressembler à des choses insensées ou à des choses vaines nous appelle à le délaisser pendant la prière. Troisièmement, ثالثاً يؤخذ منه أيضاً كراهة مشابهة الحيوانات خصوصا في حال أداء العبادة، خصوصا في حال أداء العبادات. Troisièmement, on retient de ce hadith qu'il est détestable de d'imiter des animaux et en particulier lorsque l'on accomplit une adoration. فائدة جليلة. ورد الأمر من الشارع بمخالفة الحيوانات الخسيسة أو الخسيسة والشريفة في هيئات الصلاة، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب وافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب وإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس وبروك كبروك الجمل وغيرها ذلك مما نهى عنه الشارع من مشابهة الحيوانات، لأن الصلاة مناجاة لله فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأفضل صفة. Puis une remarque de l'imam Abdullah ibn de l'imam Abdullah al-Bassam rahimahullah. Il dit: et en islam il y a, ou il est rapporté en islam, l'obligation de contredire ou de ne pas faire comme, de ne pas imiter les animaux, que ce soit des animaux mauvais, si on peut traduire comme ça, mauvais, ou les animaux qui sont respectables, de ne pas les imiter dans les différentes postures de la prière. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se tourner comme, ou de regarder à droite à gauche comme le fait le serpent, et de s'allonger comme s'allongent les bêtes féroces, ou de s'asseoir comme s'assoit, comme s'assied le chien, ou de picoter comme picote le corbeau, ou de faire un signe avec sa main comme la queue des chevaux sauvages. C'est quoi ça? Qui sait? Car à une époque, les compagnons, radiallahu anhum, lorsque l'on les saluait dans la prière, ils répondaient au salam en faisant un signe de leur main à droite à gauche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de faire avec leurs mains des signes comme la queue des chevaux sauvages. Car un cheval sauvage, c'est un cheval que tu ne maîtrises pas, qui est toujours excité, qui bouge constamment sa queue et qui bouge également ses jambes ou ses pattes. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également interdit de nous baisser comme se baisse le chameau. Et d'autres postures que l'islam nous interdit de faire en ressemblance aux animaux. Car pendant la prière, le musulman est face à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit donc être dans la meilleure des postures et dans la plus belle de celles-ci. Donc on voit que l'islam nous interdit de ressembler aux animaux, que ce soit des animaux respectables ou des animaux non respectables. Le chien, en comparant le chien et par exemple al-khayl, le cheval, le chien est un animal qui n'a pas de valeur en islam, qui est un animal impur, un animal qui, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, qui est impur en soi, même si tu le laves avec tout le savon du monde. Il est impur en soi. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.